Bonjour ou bonsoir. Et voici la lecture aujourd'hui d'un article de Baptiste Giraud, illustré par les photos de Noman, sur le site de Reporter, et que vous pourrez retrouver donc sur reporter.net. Il est paru le 22 novembre 2017 et s'intitule « Les pauvres sont les premières victimes de la pollution ». L'inégalité sociale sévit aussi dans l'exposition aux nuisances, bruit, pollution, déchets, produits chimiques, qui affectent bien plus souvent les pauvres. C'est un territoire cinglé d'énormes balafres, des balafres grisâtres, tousseteuses, infranchissables. L'autoroute A1 en Seine-Saint-Denis reçoit 200 000 voitures par jour. Installée au niveau du Stade de France, une station d'analyse de l'air y relève les taux de pollution les plus élevés de France. En moyenne, 192 jours de dépassement des normes européennes en 2012, 73 en 2016. Et puis, au milieu de ce brouillard toxique, il y a l'hôpital de La Fontaine. Bordé par la 1 et une autre voie rapide, sa maternité est elle aussi une des premières de France. 4600 naissances chaque année, soit plus de 12 par jour. Des associations de riverains, collectif Lamaz, Union des associations de riverains du Stade de France et comité Porte de Paris, réclame que cette portion d'autoroute soit enterrée afin de mettre fin au bruit, à la pollution et à la fracture entre quartiers qu'elle entraîne. Pour eux, il s'agit d'une discrimination sociale, discrimination territoriale. Est-elle due au hasard? Pas vraiment. La commune de Saint-Denis, ville polluée, est aussi une des communes où le taux de pauvreté est le plus important, autour de 30% de sa population, contre 14% environ à l'échelle nationale, d'après l'INSEE. Mais Saint-Denis n'est pas isolé, parce que les loyers sont plus abordables, que la voix des habitants compte moins face à l'État et aux grandes entreprises, de nombreux quartiers populaires sont en première ligne face aux désastres environnementaux. Voici quelques exemples marquants d'inégalités environnementales. Concernant le dioxyde d'azote, à Lille et Marseille, les populations socialement défavorisées sont bien plus touchées que les autres par la pollution au dioxyde d'azote, selon l'équipe de recherche Equite Area. Conséquence pour ces personnes, on constate une augmentation de 15 à 30% des nouveaux cas d'asthme chez l'enfant et des pathologies chroniques respiratoires et cardiovasculaires fréquentes chez les adultes âgés de 65 ans et plus, explique l'économiste Éloi Laurent dans l'essai collectif « Les inégalités environnementales ». Il y a un lien pour pouvoir suivre le lien. À Paris, les quartiers UP sont aussi concernés, mais, ouvrez les guillemets, les publics qui y résident sont bien moins affectés que les groupes sociaux qui habitent les quartiers défavorisés, eux aussi exposés, poursuit Éloi Laurent, citant une étude réalisée en 2015. Concernant le bruit, toujours une citation. Près de la moitié des zones urbaines sensibles sont concernées par un point noir bruit. Et pour la région Île-de-France, ce taux approche 70%, selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, paru en 2015. Là aussi, il y a un lien pour suivre le lien. Un point noir bruit correspond à une exposition en façade supérieure aux valeurs réglementaires. À Saint-Denis, 36 000 habitants, un tiers de la population, serait exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 68 dB en moyenne jour-nuit, selon les associations de riverains. Concernant les grosses chaleurs, la canicule de 2003 a entraîné une surmortalité de 15 000 personnes en France. Parmi celles-ci, les catégories socioprofessionnelles des personnes âgées et des ouvriers étaient surreprésentées, selon l'Institut national de veille sanitaire. De manière générale, les quartiers populaires sont davantage touchés par les grosses chaleurs en raison de la hauteur des immeubles, du bétonnage et du peu de végétation, à quoi s'ajoute souvent une mauvaise isolation et une mobilité réduite. Concernant le risque industriel, il existe en France près de 700 sites industriels classés Seveso. Les deux tiers de la population exposée demeurent dans les zones urbaines sensibles, selon le rapport du 16. Ce phénomène est aussi constaté à la campagne. La Meuse, territoire fortement rural et agricole, a été choisi pour accueillir le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Et rappelons que la France a testé ses premières bombes nucléaires dans ses colonies, le désert algérien dans les années 60, puis la Polynésie. Concernant les maladies professionnelles, les exemples foisonnent de l'amiante aux pesticides. Les ouvriers de l'entreprise Triskalia, dans les Côtes d'Armor, ont ainsi été contaminés par un pesticide, le Nuvan Total, entraînant des cancers et la mort d'une partie d'entre eux. Dans d'autres secteurs, industrie, plasturgie, nettoyage, ce sont les perturbateurs endocriniens qui touchent les salariés. Les conséquences des politiques écologiques. En parallèle, les catégories populaires bénéficient assez peu des politiques publiques visant à améliorer l'environnement. Prime à la rénovation énergétique, à l'achat d'une voiture ou d'un vélo électrique, comme ces actions demandent un investissement de départ important, les personnes aux revenus modestes n'ont souvent pas les moyens d'en profiter. À l'inverse, les chantiers de rénovation urbaine ou d'écoquartier, nouvelle forme de gentrification, ont pour effet de chasser au loin les populations paupérisées. Les inégalités environnementales se creusent sous le coup d'un vigoureux processus d'externalisation des nuisances environnementales hors des milieux de vie des classes dominantes et d'une recherche conjointe et de plus en plus aiguisée de bien-être environnemental, décrit la géographe Syria Emelianov. Autrement dit, pour la plupart des candidats à une vie plus écologique et en vertu de redoutables effets de rebond, l'écologisation des environnements résidentiels n'est qu'une énième forme de ségrégation et de captation de la valeur, analyse-t-elle. Les chercheurs manquent d'indicateurs fiables sur les inégalités environnementales. Depuis plus de 10 ans, des chercheurs essaient de mettre au point des indicateurs des inégalités environnementales, tenant compte de nombreux facteurs, pesticides, pollution de l'eau, de l'air, etc. Pour l'instant, on sait juste qu'on ne sait rien. La génétique n'explique que 5 à 10% des maladies chroniques, et le reste vient de l'environnement. On parle d'exposomie, non d'exposome, en opposition au génome. Mais les situations sont tellement contrastées et complexes qu'on ne peut pas avoir de certitude ni donner de tendance globale, explique un reporter, Julien Caudeville, chercheur à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. Voilà, l'article se termine comme ça. Je me permets de faire une rapide digression parce qu'à un moment, on parle de l'exposition au risque dans le cadre de maladies comme le Nuvan Total dans les Côtes d'Armor chez Triskalia et puis les cancers, les choses comme ça. Juste pour vous indiquer, si vous ne le savez pas déjà, que en fait, en ce moment, il y a une chasse, je ne sais pas comment qualifier ça, mais enfin, c'est juste totalement scandaleux que disparaissent des causes des causes comme le cancer, comme justement toutes ces expositions à des particules non répertoriées systématiquement, des choses comme ça. C'est en train de disparaître totalement du droit du travail, du code du travail, et c'est absolument dramatique. Enfin, de toute façon, il y a une accumulation de choses dramatiques en ce moment que je ne sais plus par où prendre les choses, et vous non plus sans doute. Toujours est-il que le pire des choix serait de se taire. Merci donc pour cet article dans Reporter, qui est d'ailleurs, je vous le signale, illustré par les excellentes photos de donc Noman. N'hésitez pas à aller le voir. Il est écrit donc cet article par Baptiste Giraud. Merci à lui. Au revoir et puis à bientôt.